Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et je vais ouvrir cette deuxième partie d'émission avec une devinette. Quel est le lien entre votre téléphone cellulaire, les cigarettes, la vieille télé à écran cathodique et la poignée de change dans votre poche et la mort des poissons d'eau douce? Alors la réponse, c'est le cadmium. Pourquoi? Alors je vais laisser notre invité y répondre. Il s'agit d'Isabelle Fournier, elle est étudiante à l'INRS. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors Isabelle, vous étudiez en quoi à l'INRS? Je suis en sciences de l'eau. Enfin, j'étudie, je vous parle de mon projet de maîtrise, en fait, ce soir. OK, c'est, un projet, c'est le projet de maîtrise en sciences de l'eau. Oui, c'est ça. Alors Isabelle, pourquoi le cadmium est l'élément commun de tout ce que j'ai nommé? Bien, en fait, le cadmium, c'est un métal, premièrement, qui est utilisé dans les circuits de la carte mère de votre téléphone cellulaire et qui est aussi utilisé dans les vieilles télévisions à écran cathodique. C'est aussi un des sous-produits retrouvés dans la cigarette qui vient en fait de l'engrais que les cultivateurs ont mis dans les champs de tabac. Ah. Lorsque les produits sont en fin de vie et qu'on les jette à la poubelle, ils vont aller dans les sites d'enfouissement et le cadmium peut être libéré dans le sol, puis lessivé par les pluies dans les cours d'eau. En ce qui a trait à la poignée de change, ben, c'est que le cadmium est à l'état naturel, va être séquestré dans la roche. Et que quand on exploite les mines pour extraire les métaux comme l'argent, le cuivre ou le nickel, on va extraire par le fait même le cadmium. Okay. Et il vient même si on le veut pas. Là. C'est ça, il vient même si on le veut pas parce qu'il est dans la roche avec les autres, puis il va se retrouver dans l'eau aussi. Au Québec, on a un règlement, le règlement sur la qualité de l'eau potable, qui stipule que la norme du cadmium est de 5 microgrammes par litre. Pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que c'est, c'est environ 5 grains de sable dans un 2 litres de liqueur, donc pas grand-chose. Généralement, on retrouve 10 à 100 fois moins de cadmium dans l'eau potable que le recommande la norme, mais pour les eaux douces, on en retrouve parfois moins, parfois l'équivalent ou parfois plus, ça dépend. D'accord. Le cadmium est le lien qui unit tous ces éléments, mais en fait, comment mène-t-il à la mort des poissons? Bon, en fait, le cadmium, c'est un métal qui est toxique. Chez l'homme, la dose létale par voie orale, c'est-à-dire la dose maximale dans l'eau ou les aliments que l'on peut ingérer, nous, avant de mourir, n'est pas vraiment connue. Mais on l'estime à environ 100 000 fois la norme. Toutefois, on observe des effets néfastes comme des vomissements ou de la diarrhée à des concentrations qui vont tourner autour de 1000 fois la norme. OK. Chez les poissons, par exemple, c'est vraiment différent. En 3 jours, exposés à des concentrations de l'ordre de 2 à 10 fois la norme, on va retrouver 50 % de mortalité et plus chez les salmonidés comme la truite. Les poissons sont plus sensibles que les humains pour plusieurs raisons, entre autres parce que les poissons vivent et respirent dans l'eau et vont donc exposer de façon continue au cadmium. Et ils vont exposer à la fois leur système digestif et leur système respiratoire. Aussi, ils vont se nourrir de proies qui, tout comme eux, vivent et respirent dans l'eau et qui seront donc contaminées elles aussi. Aussi, on regarde que ça, c'est des études à court terme. Je parlais du jour. Maintenant, si on parle des études à long terme, d'ici quelques mois, on arrive à avoir des effets néfastes sans mortalité à des doses plus petites que la norme. Mais on va surtout observer ces effets-là au niveau du foie. Ça, c'est, on parle de toxicité chronique à ce moment-là. Hein, oui, d'études chroniques, oui. C'est ça. Donc, d'exposition plus à long terme. Oui. Et pourquoi est-ce que ça attaque plus le foie? Bien, le foie, chez les poissons comme chez l'humain, c'est un organe qui est voué à la détoxification. C'est là que le corps va envoyer tout ce qu'il croit être mauvais pour des fins d'élimination. Le foie va tenter de rendre l'élément toxique inoffensif, comme il le fait avec l'alcool, par exemple. Puis, il va envoyer le tout vers les reins pour l'éjection vers l'urine. Ce que le foie n'est pas capable d'éliminer, ben, il va l'accumuler. Ça va le rendre vulnérable parce qu'en fait, il va faire face à des doses qui sont généralement plus grandes que le reste du corps. Puis si je comprends bien, ben, il ne peut pas dégrader le cadmium puisque c'est non, pas dégradable en soi, fait qu'il l'accumule. C'est ça, il l'accumule ou il l'élimine, mais il ne peut pas le dégrader. OK. Alors, imagine qu'il y a quelques dommages pour le foie. Et qu'est-ce que ces dommages se propagent dans le reste de l'organisme? Oui, mais non, directement au foie. Mais en fait, je vais vous expliquer parce qu'une des principales cibles du cadmium dans le corps, c'est-à-dire une des parties qui est vraiment très sensible, c'est la mitochondrie. Et la mitochondrie, c'est comme une petite centrale énergétique qui va être située au cœur de la cellule. OK. Et qui va fournir l'énergie dont on a besoin chaque jour. L'énergie qui va nous permettre de marcher, de respirer ou d'être tout simplement réveillé. Et tout ce qu'on va faire requiert de l'énergie et ça va être pareil pour les poissons. La nourriture qu'on mange va contenir de l'énergie, mais elle va être sous une forme qui n'est pas accessible pour nos cellules. Si je fais comme une petite comparaison, c'est comme si vous essayeriez d'aller acheter du pain avec des lingots d'or. Vrai, un lingot d'or, ça vaut quelque chose, mais ça ne s'utilise pas directement. Donc, la mitochondrie va avoir comme rôle de stocker l'énergie de la nourriture dans une molécule qu'on appelle l'ATP et qui va servir d'argent comptant pour les cellules. Pour faire ça, ben, les mitochondries vont fonctionner littéralement comme un barrage, où d'un côté, on va accumuler de l'eau, et de l'autre, on va placer nos roues pour récupérer l'énergie du déplacement de l'eau. On va ensuite la stocker dans des génératrices et l'envoyer dans les maisons. Donc, vous savez comment ça marche, là. Dans la cellule, ça va être pareil, mais au lieu de l'eau, on va stocker des protons. Et le cadmium dans tout ça, lui, quel rôle il joue? Comment est-ce qu'il entrave le bon fonctionnement? Oui, le cadmium, si on continue avec notre belle analogie de barrage, il va aller se faufiler dans la centrale et bloquer les ouvertures dans le barrage. Donc, là, l'eau, elle va continuer à s'accumuler en amont, puis elle va finir par déborder partout, inonder les terres avoisinantes, puis elle va créer des dommages. De plus, en déviant de sa trajectoire, l'eau qui va être déplacée, elle va pas pouvoir faire tourner la roue, puis au final, on produira pas d'énergie. C'est ça, finalement. On aura beau avoir mangé, l'énergie sera pas disponible. Ça servira à rien. Fait que dans la cellule, ce sont les électrons qui se déplacent et qui vont forcer l'accumulation des protons d'un côté du barrage. Le cadmium empêche les électrons de se déplacer là où ils sont supposés d'aller. Et ils vont être captés par l'oxygène, les électrons, ce qui va créer des radicaux libres. Ce qui n'est pas bon non plus pour la santé, je pense. Non, c'est ça. Les radicaux libres, c'est eux, en fait, qui vont faire le plus du dommage causé par le cadmium. Donc, si je résume tout ça, le cadmium, quand il va entrer dans la cellule, il va engendrer des dommages qui vont coûter de l'énergie à réparer. Mais en plus, il endommage la structure qui est responsable de la production d'énergie. Donc, c'est un peu paradoxal. Si on ajoute à cela la présence de d'autres contaminants, puisque malheureusement, dans les cours d'eau, c'est rare qu'on trouve un seul élément toxique, eh bien, le poisson va dépenser toute son énergie à force de tout essayer de régler en même temps, puis il va mourir d'épuisement, finalement. Alors, si on revient à nous-mêmes, consommateurs de toutes sortes de produits qui contiennent du cadmium, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Mais ce qui est le mieux à faire, en fait, ça serait de recycler. De juste conscient que nos produits contiennent des métaux. Au Québec, environ 10 % seulement des batteries qui sont vendues chaque année, puisqu'il y a des batteries qui contenaient du cadmium ou d'autres métaux, qui sont recyclées, seulement 10 %. Et c'est pas beaucoup, ça. Non, c'est très peu. C'est très, très peu. Ouais. Et l'Association pour le recyclage des produits électroniques du Québec se dit très étonnée que si peu de gens sachent qu'il existe des centres de récupération des déchets dangereux, qu'on peut aussi appeler éco-centres. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est en fait retrouver celui qui est le plus près de chez vous et pensez à recycler vos batteries et vos appareils électroniques qui ne fonctionnent plus. On fait deux pierres deux coups en les réutilisant. On évite qu'ils se retrouvent dans l'environnement, les métaux qu'ils contiennent. Et aussi, on évite d'être obligé d'en extraire d'autres. Oui, c'est fait. Mais ce ne sont pas toutes les piles, je pense, qui contiennent du cadmium. Hein? Les piles rechargeables nickel-cadmium, mais qui sont de moins en moins présentes sur le marché. Je dirais que maintenant, c'est remplacé par des piles au lithium. Bon. Alors, c'est très intéressant de voir le chemin que peut prendre le cadmium des piles ou des autres appareils et comment, à partir des centres d'enfouissement, mais il peut atteindre les rivières. Alors, ça devrait nous conscientiser à faire ce petit geste pour recycler correctement nos piles et nos appareils électroniques. Alors, merci beaucoup, Isabelle. Alors, si je comprends bien, on va rester dans le domaine des poissons avec cette chanson. Non? Alors, on n'a pas la chanson qu'on avait prévue. Alors, écoutez, on va passer en pause musicale et puis on vous revient tout de suite après avec la revue de presse. Merci beaucoup, Isabelle. Merci.